club avec ta billette, chico. Je goûte à ses lèvres, elles ont le goût du chivas. Et toi, par nos jalouses, ça dit quoi? Chic, t'as le fait, mi amigo. Je suis dans le fond du club avec ta billette, chico. Je goûte à ses lèvres, elles ont le goût du chivas. Et toi, par nos jalouses, ça dit quoi? J'suis avec mes robes, t'as ça, on fait de la monnaie. On vient de loin, remontada, t'as les Barcelone. Déterminé depuis Mino, y'a pas de traître chez nous. Marche arrière, m'cassera, même sur pyramide. Tu l'as fait pour baba, maman, et les miens aussi. Bitch, lève ton boule, tu vas m'y j'tonner, personne ici. J'fais bouger mes négas dans le club sur une vibe, right. J'reprends le flow, t'as rime qu'à pour big up le blood, right. Chic, t'as le son, mi amigo. J'suis dans le fond du club avec ta billette, chico. J'goûte à ses lèvres, elles ont le goût du chivas. Et toi, par nos jalouses, ça dit quoi? Chic, t'as le son, mi amigo. J'suis dans le fond du club avec ta billette, chico. J'goûte à ses lèvres, elles ont le goût du chivas. Et toi, par nos jalouses, ça dit quoi? Pour le khalis, mon flow fait bouger les jeans. Appelle-moi le radza de Paris. Mes acolytes, souvent sous beuh ou sous collal. Tard la night, ça barotte, on fait pour faire la maille, yeah. Elle a repéré ton portefeuille et son nouveau bébé. Cette salope te fait les yeux doux parce qu'elle vit sa CB. Paris, soirée, luxe, cabaret. Billa, tu fais ta halal, t'as sucé tous les Qataris. Chic, t'as le seum, mi amigo. J'suis dans le fond du club avec ta billette, chico. J'goûte à ses lèvres, elles ont le goût du chivas. Et toi, par nos jalouses, ça dit quoi? Chic, t'as le seum, mi amigo. J'suis dans le fond du club avec ta billette, chico. J'goûte à ses lèvres, elles ont le goût du chivas. Et toi, par nos jalouses, ça dit quoi? Ça va? Toi aussi? Ça va? Lève ta main, lève ta main. Excuse. Qu'est-ce que je voulais te dire? Viens, Agadji. Non, sérieux. Qu'est-ce que tu cherches, cousin? Ben là, je voulais en fait. Tu te rappelles quand je t'ai bloqué ta séance d'enregistrement? Ouais, quand t'es venu, t'as fait chier toute ma séance. Ouais. Eh ben, j'ai pas fait exprès. Je savais pas que c'était fort comme ça. Merci. Maintenant, je vais te proposer un truc, vu que ça va, tu m'as l'air d'avoir faim. On va faire un petit truc. Vas-y, Karim. Chante-le, oui. On va faire un featuring, écoute ce que ça donne. Ça donne. Chic, t'as le seum, mi amiguette. J'suis dans le fond du club avec ma kikette. J'goûte à sa tèche, elle a le goût du vieux porc. Et toi, par le jalousé, ça dit quoi? Ouais, c'est bon, frérot. Ça dit quoi? C'est bon. Ça dit, il va signer le contrat, monsieur Slogi. Non, signe à ce maintenant. Qu'est-ce qu'il signe? Sulking, il va rien signer. Ah, monsieur, excusez-moi, monsieur Booking. Tu vas signer le contrat pour lui. Sulking. Il me signe ton contrat. Sulking. Signe ton. Bon, les gars. Signe ton. Futur, ton après futurunga. Mais non, agarra ton speed tweet. Les gars. Les gars, excusez-moi de vous couper. Vous pouvez nous laisser finir notre dîner, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est bon? Elle est tartem bonne. Ben quoi, la pâte à pizza, elle est tarpée. Ouais, voilà, je préfère. Vas-y, laissez-nous finir notre dîner, s'il vous plaît. T'as vu les deux gars? Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de contrat. J'aime trop les grosses pâtes à pizza. Deux grosses pâtes à pizza. Allez, on part. Attends. Nous, on ne sait pas travailler avec toi. Aïe. J'ai jamais vu ça. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça.